Je ne suis pas un spécialiste d'Edouard Saïd, mais il a joué un rôle important dans mon propre itinéraire personnel, mon parcours intellectuel, ma courbe de vie. Et donc, il a représenté une étape importante. J'ai une sorte, a posteriori, en préparant ce talk, j'ai trouvé qu'il y a une histoire de ma relation au livre Orientalisme, comme chacun, beaucoup d'entre nous, que j'ai lu en 83 et que j'ai abondamment, sur lequel j'ai abondamment travaillé. Un de mes premiers travaux d'étudiant était sur l'orientalisme. Je l'avais fait avec un autre étudiant et ami, c'était en 84, qui entre-temps devenu un écrivain irakien important, Selim Matar. Et tous les deux, nous avons été marqués par le fait de mettre en avant l'effet du rapport interculturel. Moi, ça, c'est quelque chose qui est devenu une partie de ma profession. Les relations interculturelles, les effets d'Orient et de contre-Orient, de miroir contre miroir. Je dois aussi avouer que ce n'est pas tellement le corpus intellectuel qui m'a éclairé. Je suis moi-même porteur d'orientalisme et d'occidentalisme. C'est inscrit dans ma propre famille. Pour le dire clairement, je suis à la fois un produit de l'Orient et de l'Occident. Et ça, je veux dire, ma famille, j'ai trouvé que j'ai mon grand-père et ma grand-mère, du côté paternel, sont nés en Angleterre au début du XXe siècle. Eux-mêmes venaient avec leur famille qui faisait commerce de textile à Manchester. Donc c'est très amusant d'entendre parler d'intégration à l'Europe. Donc nous pratiquons ça et nous vivons, disons, les déchirements, nous tous, qui au début nous étions entre deux rives, entre deux chaises, etc. Donc, si vous voulez, ce livre n'a pas éclairé sur le plan intellectuel, mais il a illustré sur le plan intellectuel quelque chose qui était vécu dans un corps, dans une peau. Et donc, c'est un livre important. Et entre ce premier livre de lui en 83, et il va se passer 20 ans, et je vais produire ma propre version post-orientaliste, mon second ouvrage que j'ai chiffré, que j'ai volontairement aussi codé comme une sorte de sociologie poétique de l'arabité et de l'islamité contemporaine. Et l'idée, j'ai été marqué par le discours d'Edouard Saïd, c'était de... On disait, ils n'ont pas besoin, ils ne peuvent pas se représenter, il faut les représenter. Et l'idée, dans ce livre sur l'islamité et l'arabité contemporaine, à travers l'étude de la jeunesse, du Maghreb, du Mashrek, différents espaces et moments. L'idée était de montrer comment eux pensaient le monde, comment eux pensaient l'avenir, comment ils vivaient leurs propres tiraillements, les attentes. Et ce livre qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui a été republié dernièrement, j'ai été très heureux de voir que, à travers ce chiffre de sociologie poétique, est passé, disons, plutôt du côté de la littérature, a été rangé plutôt du côté de la littérature, mais il résonne pleinement de ce qui s'est joué en 2011, cette année lumière des Arabes, cette année de thérapie collective. Et je suis sûr que si Edouard Saïd avait été parmi nous, il aurait aussi été, disons, quelqu'un qui aurait rendu hommage à ce qui s'est passé. Ce qui était inespéré, inattendu, il y a 3 ou 4 ans maintenant. J'aurais voulu, au cours de ce colloque, au sujet de la réception du livre de l'orientalisme, qu'après avoir eu des éclairages importants sur l'interprétation et les conséquences de ce livre en France, aux États-Unis, en Asie, en Chine, j'aurais voulu qu'on ait aussi un compte-rendu de comment il a été reçu par la scène intellectuelle arabe, enfin la scène, le monde université, par ceux qui étaient les représentés de l'orientalisme. Et j'ai l'impression que si nous sous-estimons la réception dans le monde arabe de ce livre, ou si nous n'en rendons pas compte de manière détaillée, moi je ne suis pas à même de pouvoir faire une étude aussi approfondie que celles qui ont été proposées hier, je crois qu'on risque de perpétrer à notre corps défendant un orientalisme, c'est-à-dire qu'on oublie ceux qui qui sont toujours en fait les objets de discours tiers. Et donc, bon, je vais brièvement parler de cette réception telle que je l'ai vécue personnellement. C'est, disons, avoir fréquenté une scène intellectuelle pendant quelques années. Et comme je l'ai dit, je lis le livre en 83-84, je le discute avec des étudiants marocains, il est dans toutes les facs marocaines en 86. Donc, moi, c'était une période de la découverte de ce livre. Bon, par la suite, il y aura d'autres œuvres. Mais immédiatement, cet ouvrage, enfin, de mon point de vue, a été tout de suite très favorablement accueilli. Et il était, je veux dire, un textbook de 1986 dans à l'université marocaine. 20 ans après, je me retrouve au Qatar et je suis dans une petite plateforme qui s'appelle Al Jazeera, où on a une représentation de toute la scène des journalistes arabes, des éditorialistes, des leaders d'opinion, des intellectuels organiques, mais aussi un petit peu mercenaires. Et j'ai eu tout le loisir d'entendre la réception de cette œuvre. Et je vais être un petit peu, peut-être déroger un peu, peut-être casser un peu l'ambiance en disant que bien que j'ai un grand respect pour cette œuvre, et je dois aussi la juger du point de vue de sa réception. Parce que ce qui était intéressant dans le travail de Edward Said, c'était que l'on puisse, que ça contribue à libérer l'individu, justement, de la représentation, de la soumission, etc. Et je dois aussi avouer que j'ai un biais dans ma façon de réfléchir. Je prends parti, je suis parfaitement au fait des logiques des logiques de force, des logiques de pouvoir, des rapports de domination. Je suis très sensible à toutes les formes culturelles de domination. Et entre parenthèses, l'orientalisme est une version extrêmement civilisée de la violence exercée sur l'autre, parce qu'on n'a pas évoqué, mais après tout, ça s'adresse sur des sujets qui ont des traditions culturelles savantes, des langues écrites, enfin, des langues. Que dire des peuples sans écriture qui ont été fracassés par la science, les colonial studies, l'anthropologie, l'africanisme, l'approche des mondes amérindiens, des cultures, ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers. Donc il faut aussi mettre l'orientalisme comme un projet finalement assez savant et assez feutré par rapport à d'autres formes beaucoup plus directes de destruction. Je pense aussi à l'anthropologie. J'ai été très influencé par les débats qui se sont passés autour de l'affaire révélée par Chambon, le documentaire qui est sorti à propos de la destruction par l'anthropologie d'une tribu. Enfin, il y a eu des destructions dans lesquelles aussi de grands ethnologues, y compris qui sont très établis dans la scène universitaire. Je veux dire, c'est des débats accablants et c'est autrement plus ravageur. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas un admirateur inconditionnel d'Edward Said, et je dois devoir le signaler parce que en 30 ans, j'ai vu l'occasion de voir l'influence de ce rayonnement de ce penseur palestinien dans tout le monde arabe. Et au lieu d'être, dans un premier temps, ravi par la diffusion et le culte de cet auteur et d'une œuvre qui m'ont marqué, je le reconnais, sur le plan du rapport de l'identité, de soi et des autres, du dialogue et du conflit des cultures, j'en ai été déçu par l'usage qui en a été fait. Et je m'en explique immédiatement. Les intellectuels, tels que je les ai fréquentés, du monde arabe, toutes sensibilités confondues, ont vite érigé Saïd en un intellectuel symbole de la résistance et de la confrontation à tout ce qui vient en pensée du monde européen et des États-Unis. Et donc, il semblait qu'en Saïd, pour la première fois, on pouvait voir une sorte de prototype cognitaire à même de démonter l'arrogance et la culture de domination de ceux qui, sur le terrain, notamment moyen-oriental, allaient s'installer durablement, militairement, politiquement, économiquement, culturellement. Et donc, on a passionnément aimé cette démonstration de Saïd pour l'orientalisme. C'est un grand coup et qui a fait rêver de nombreux auteurs. Mais j'ai eu aussi tout l'ennui d'écouter d'innombrables chercheurs et auteurs de la région, des théologiens de la libération, anciens Mao convertis à l'islamisme révolutionnaire radical, aux communistes chrétiens arabes israéliens devenus conseillers de princes, en passant par le spécialiste arabe du sionisme, de déclamer des versions plus ou moins abouties de la critique saïdienne. Et je crois qu'il y avait une admiration sincère dans le fait que Saïd n'était pas simplement quelqu'un qui faisait une critique et qui défendait la position de celui qui est représenté, qui n'est par l'orientaliste, mais il y avait une admiration de celui qui était aussi pleinement engagé dans la culture occidentale. Je pense que c'est un élément de fascination. C'est ce que j'ai perçu. Mais je dois dire cette réception n'a pas suscité l'éveil face à ce qui s'est joué, à la tragédie qui se joue au Moyen-Orient, pays par pays, peuple par peuple, massacre, occupation, guerre, etc. Et j'ai l'impression que le terme qu'il faut méditer, c'est... je disais que je suis pas tellement... Je suis au fait des logiques de domination et des logiques de soumission, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, mon biais, le prisme, j'avoue, ma subjectivité, c'est que ce que je cherche, moi, c'est les logiques de libération, les logiques de savoir, les logiques d'émancipation. Et c'est pas parce qu'on est faible qu'on est forcément possédé, au sens textuel du terme, ou c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est forcément soumis au colonialisme. Je pense à une notion je ne crois pas que Saïd l'a évoqué, mais qui vient d'un autre penseur, Malik Bennabi, la notion de le concept de colonisabilité. Et ça, c'est un élément auquel je suis très sensible. Plutôt que de renvoyer toute la critique à l'extérieur, parce que le discours de l'orientalisme, c'est un discours tout court de l'extérieur, et plutôt que d'affronter ces problèmes et de les renvoyer toujours à cet extérieur, l'occupant, l'arrogant, etc., je crois qu'il faut entamer un regard autocritique. Et comme je l'ai mentionné ici, je pense qu'en France, il faut faire ce travail autocritique, ce rapport à sa propre histoire, à ses propres populations, à ses propres immigrations. Et ce n'est pas de l'extérieur que ça peut se faire. Ça ne pourra se résoudre, par exemple en France, que par un travail de l'intérieur. Et je pense que de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, parce que nous sommes aussi liés par un passé, par aussi un avenir commun, il faut faire ce travail autocritique. Et là, je dois dire que c'est là où je vais être un petit peu sévère, peut-être un peu provocateur, mais je n'ai pas l'impression que le discours de Saïd ait eu cet effet de réveil qui puisse mettre fin à la colonisabilité. Et je dois dire qu'il y a eu une certaine intelligence, c'est l'intelligentsia arabe, d'avoir utilisé ce discours saïdien, ça a été évoqué peut-être hier, pour justement cacher la honte de ce qu'on est devenu et la honte des tragédies qui se passent, notamment au Moyen-Orient. Je dirais que la situation est un petit peu différente en Afrique du Nord. Il y a quand même... mais force est de constater qu'un siècle après la déclaration Balfour, le Moyen-Orient est plus que jamais colonisé sur tous les plans. Et ça se traduit par la tragédie palestinienne qui n'a pas avancé dans la résolution de ce problème, par la destruction de la nation irakienne, par la guerre en Syrie, ne parlons pas du Liban. Et les seuls pays qui, plus ou moins, sont à l'abri de ces violences, mais qui ont pris une importance démesurée au cours de ces trois décennies, sont ces pétro-monarchies qui doivent tout à la géologie et à la richesse de leur sous-sol. Je voudrais dire en même temps qu'il y avait une pression à identifier le prisme de l'orientalisme. Mais je pense que les temps ont radicalement changé, et moi j'en suis même à regretter l'orientalisme de Tonton Saïd, c'est-à-dire les grands orientalistes. Au moins avec eux, on avait l'impression on apprenait des choses, c'est-à-dire que ces gens-là, malgré tout, qu'on les veuille ou non, étaient porteurs, étaient des connaissants, des érudits. Donc il y avait une démarche de connaissance, même s'il y avait des prismes, même s'il y avait des déformations. Et je pense que la situation, ce que je voudrais dire, c'est que c'est au risque de paraître un peu cynique, mais la situation aujourd'hui est bien pire que celle qu'évoquait Edouard Saïd. Et donc l'orientalisme paraît maintenant... Hier, Henri Laurence évoquait l'orientalisme comme une forme de... était devenu à un moment une sorte d'injure, ben, moi, j'ai presque envie de défendre un peu l'orientalisme par rapport à ce qu'on appelle, entre guillemets, les spécialistes de l'islam. Et moi, quand j'entends cette expression spécialiste de l'islam, j'ai presque envie de sortir mon revolver, parce qu'on voit tout de suite, ça frappe tout de suite, c'est lié à un dispositif médiatique, et on sent immédiatement qu'on va commenter un acte de violence, l'explosion qui va se passer dans un métro, ou dans une mosquée, ou un acte de violence ou de terrorisme, et qui va rendre collectivement responsable, inconsciemment, à travers le langage des médias, qui est une arme aussi de destruction et de distraction massive, collectivement responsable des gens, des citoyens européens, mais qui sont de culture ou de confession musulmane. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'avec ces spécialistes de l'islam, avec l'islamologie, je pense qu'il y a un changement de paradigme qui s'est joué. Et avec ce changement de paradigme, on est passé à quelque chose de beaucoup plus dur. Et moi, je pense que j'en appelle presque... J'en suis... Voilà, l'orientalisme, avec le temps, a pris une sorte de patine nostalgique. Il y avait une démarche de connaissance. Et ça exigeait de ses lecteurs un effort de connaissance, d'apprentissage, et aussi d'éveil ou de veille, pour débusquer justement peut-être les pièges qu'avait si bien manifesté, exprimé Edward Said. Mais avec l'islamologie, donc on n'est plus dans l'orientalisme, on est dans quelque chose d'autre, on est passé à un niveau extrêmement réducteur. Et moi, j'affirme, j'ai eu l'occasion de l'exprimer à diverses reprises, qu'il y a entre le passage entre l'islamologie et l'islamisme, il y a une sorte de rapport de couple. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les spécialistes de l'islam sont en fait des spécialistes de l'islam politique. Et on a une sorte de couple infernal qui est de regard et de référence à l'un à l'autre. C'est une nouvelle forme de post-orientalisme. L'islamiste ne se définit que par rapport à un Occident hégémonique, et donc c'est son espace de définition. Et finalement, l'islamologie n'existe que parce qu'il y a du conflit, il y a de l'insécurité, où il y a de la violence liée à l'expression politique de l'islam. Et je crois que je trouve que c'est une réduction dans les deux sens, que réduire l'islam à son expression politique, c'est un matérialisme, c'est une expression dogmatique et matérialiste du religieux. Le religieux est un phénomène multidimensionnel et qui a un rôle profondément structurant dans les sociétés. Et le réduire uniquement à son expression politique, c'est un appauvrissement. Et on le constate tous les jours. Mais de l'autre côté, dans le regard de l'observateur, du connaissance, de celui qui met des individus sous glace, qui les vitrifie pour les observer, les observer uniquement à travers le prisme politique, c'est aussi un appauvrissement. Et moi, en France, je peux dater très précisément le changement de paradigme entre l'orientalisme et l'islam, et l'islamologie à la mode... Islam pour, comme on pourrait le dire. En fait, c'est survenu en 1991, lors d'une émission culturelle de Bernard Pivot, Bouillon de culture. C'était une émission qui avait pour titre « Que dit le Coran ?» et qui avait été diffusée le 19 janvier 1991, donc deux jours après le déclenchement de la première guerre du Golfe. Et dans cette émission, il y avait trois personnages, que j'appelle des personnages conceptuels. Il y avait Jacques Berck, qui venait présenter sa traduction du Coran, qui lui avait demandé 16 années d'études et d'efforts, et qui était suivi d'une étude exégétique. Et il y avait Gilles Kepel, qui venait présenter un ouvrage à lui, La revanche de Dieu, je crois. Et il y avait une troisième personne qui s'appelle Anne-Marie Delcambre. Et vous avez, à travers cette scène, il y a Bernard Pivot, donc le journaliste. Et nous avons là planté toute la scène qui va se dérouler depuis ces 25 dernières années. C'est-à-dire, vous avez le milieu excitable et excitant qu'est le média. Vous avez le personnage du journaliste qui est de connivence avec le spécialiste et qui pose la question, mais dites-nous, monsieur Jacques Berck, dites-nous, les Français veulent savoir aujourd'hui, est-ce que le Coran est un livre de guerre ou un livre de paix? Et là, on voyait que le vieil orientaliste, le dernier orientaliste, comme je l'appelle, n'était pas très très amène de répondre dans le temps ultra court qui était imparti à ce genre de questions binaires. Et on voyait par contre les deux autres spécialistes tout à fait à l'aise, qui savaient très très bien communiquer. Et nous avons d'un côté le spécialiste de l'islam politique, et donc c'est cette islamologie qui va triompher jusqu'à nos jours. Et nous avions aussi l'autre forme d'islamologie qui va connaître un destin aussi, c'est l'islamologie islamophobe. C'est-à-dire que vous avez des spécialistes de l'islam qui se déclarent ouvertement, qui professent une islamophobie savante et académique. Donc il y a des travaux assez importants qui ont été faits. Je vous renvoie au livre auquel avait participé le philosophe Alain de Libera face à un ouvrage, Aristote au Mont-Saint-Michel, et Alain de Libera qui disait, moi, ce que je voulais, c'était que amener Averroès au boulevard Saint-Michel, en fait, c'est-à-dire contribuer à faire connaître ça. Donc, il y a un certain nombre de travaux assez poussés qui montrent qu'il y a une islamophobie savante. Et Anne-Marie Delcambre représente ouvertement cette ligne qui est revendiquée par les droites dures, identitaires, etc. Donc voilà, la scène est plantée dès cette période, dès cette première guerre du Golfe. Jacques Berck va mourir 2 années plus tard. Et puis nous allons avoir ces spécialistes de l'islam que je considère, je ne voudrais pas que le titre de mon intervention, après l'orientalisme de l'islamologue en tant qu'agent de renseignement, sonne comme quelque chose de polémique. Je demande juste qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Je veux dire que la politisation de l'islam, le fait d'avoir fait de l'islam et des musulmans une question sécuritaire, ça a été une question militaire, une question sécuritaire, une question policière, une question du renseignement, n'est pas neutre. Et qu'on avait besoin d'un savoir appliqué pour traiter de cette question sécuritaire. Et j'affirme que l'orientalisme que dénonçait Edouard Saïd ne participe pas aussi facilement de cette scène-là. Quand vous prenez un ouvrage de Jacques Berck, mais vous pouvez prendre de Louis Gardet, Louis Massignon et d'autres, ou bien des gens qui ont aussi des spécialistes de géostratégie, je pense à Jean-Paul Charnay, qui a eu une influence très très profonde sur mon, et qui pense de politique de manière multidimensionnelle. C'est ça aussi que je disais, contre le réductionnisme, qui a ajouté de la complexité à ses lectures de la stratégie, au rapport de force. Jean-Paul Charnay, à qui je dois aussi la lecture, après l'orientalisme des contre-orients, comment penser l'autre selon soi. Voilà, donc ma critique ne se dirige pas contre la science politique en tant que telle, mais contre une lecture unidimensionnelle de la science politique. La science politique aussi est assez savante, je pense que je suis influencé aussi par les travaux de gens comme Bayard. Je veux dire, il y a des gens qui ont une approche multidimensionnelle, mais ce n'est pas le cas dans l'islamologie qui triomphe depuis ces 25 dernières années. En fait, c'est une lecture uniquement superficielle qui demande une formation Sciences Po, un apprentissage des langues d'arabe, et hop, vous êtes largué sur le terrain et vous décodez. Et vous êtes un spécialiste. Et vous faites du terrain. Et c'est pas pour dire qu'ils font de l'excellent travail, le terrain. C'est pas le propos. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand vous prenez un ouvrage de Jean-Paul Charnay qui traite de stratégie ou l'islam et la guerre, ce n'est pas un texte qui peut être un texte de référence pour un spécialiste du renseignement, un spécialiste de la sécurité. Ces gens-là, ils ont besoin d'algorithmes qui tournent vite, qui décodent et qui compressent. Comprendre, c'est comprimer. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille lire dans les ouvrages de savants comme Jacques Berck? C'est trop compliqué. Ça demande, il y a de la complexité. C'est multidimensionnel. Ça ne peut pas servir à la compréhension des phénomènes qui s'y sont. Tandis qu'avec les islamologues de la dernière génération, c'est un algorithme de résolution. Ça va très vite. C'est-à-dire que... il y avait Robert Baduel, j'aimerais le citer, il parle de cette émission, il montrait qu'en fait, ce qu'on présente les observateurs de l'islam politique comme des spécialistes de l'islam tout court, un peu comme si en Occident, on qualifiait des spécialistes du christianisme les observateurs de la CDU en Allemagne ou de l'Opus Dei en Espagne. Et qu'il y a un brouillage, et qu'il mentionne cette émission de Bernard Pivot et de l'incommunicabilité entre l'islamologue et l'islamistologue. Et c'était évidemment jubilatoirement entretenu par le présentateur. Et il montre, donc Pierre-Robert Baduel montre qu'en fait, il y a une sorte de bouvarisme, il ne le dit pas comme ça, mais apprendre pour argent comptant, je le cite là, pour argent comptant le discours des islamistes sur l'islam, qui est avant tout un combat idéologique, non une parole construite selon les canons du travail scientifique, voire théologique. Et donc ces spécialistes de l'islam politique vont prendre à la lettre le discours islamiste et vont le traduire. Et ils vont faire quelques petites exégèses. Et ça parle aux spécialistes du renseignement. Ça parle à quand on veut renforcer le paradigme de la violence liée à l'islam ou à l'islamiste ou aux musulmans ou à l'être de croyance générale, ça parle. Et donc, tous ces écrits, c'est pour ça que... je ne veux pas dire que ça ne demande pas des compétences. Moi j'ai rencontré des professeurs de sciences politiques extrêmement... qui font un travail de... je veux dire, une pensée GPS, Global Positioning System. Ça accompagne les drones de guerre qui se déroulent dans les contrées dans les villages reculés du Yémen ou du Syristan. Mais c'est des gens qui connaissent le terrain parfaitement, qui vous font une taxonomie de tous les rapports de force, des différents courants, les structures sociales, ethniques. Et donc, c'est un rapport extrêmement détaillé, une connaissance du terrain, mais sans jamais rapport à l'histoire profonde, à la profondeur du temps. Il n'y a pas la dimension historique et il n'y a pas la dimension prospective. Donc, on est vraiment au niveau de l'immédiateté. Le terrain descriptif sans jamais lever la tête du bidon, sans jamais produire de concept ou disons un essai de synthèse théorique. Donc c'est des données, c'est de la production du savoir de données qui justement est traité de manière algorithmique. Et de la même manière que vous avez, nous sommes à l'ère du numérique, de la même manière que vous avez des formes de répression numérique, vous avez par exemple ce logiciel français Amesis qui est vendu comme solution pour surveiller et contrôler les citoyens dans les pays du Sud, par toute l'activité qui passe par les réseaux sociaux, les chats, les courriers électroniques, qui permet de contrôler. En fait, c'est une répression numérique, ça représente sur le plan mondial un marché de l'armement numérique de quelques 10 milliards d'euros annuels. De la même manière, cette pensée GPS fournit des données. Et ce qui nous manque, c'est justement un effort de pensée, de distance, de recul. Ce qu'on trouve aussi dans l'œuvre, c'est ce qu'appelait aussi en tant qu'intellectuel et citoyen planétaire Edouard Said. Et donc, je suis très, très au fait et très amer par rapport à ce qui est à cette dimension. Et j'aimerais dire que cette relation de couple physique, une propriété physique, mais au sens de science physique, entre l'islamisme et l'islamologue, elle est renforcée par la communication. Et je vais vous donner une métaphore qui est parlante, c'est que nous sommes dans un âge global de communication, d'échanges simultanés, et l'appareillage, la manière d'observer, le discours ou la perception que vous avez de l'autre, le discours, la représentation que vous proposez, influe sur l'observer. Je ne suis pas sûr que ce soit... On a évoqué l'influence de l'orientalisme sur l'oriental. Il y a eu aussi des apports. Il faut pas que critiquer l'orientalisme, parce que les cultures échangent. On a évoqué les échanges. La civilisation islamique a beaucoup emprunté a beaucoup augmenté, commenté, innové par rapport à des emprunts de Grèce, de Perse, de Turquie, d'Inde, etc. Et je pense que l'orientalisme, il faut aussi le réhabiliter dans ce qu'il a pu apporter comme connaissance, comme échange. Donc je ne suis pas dans ces condamnations, disons, définitives. Mais dans le monde d'échange simultané, nous n'avons pas ces processus de fertilisation croisée. C'est-à-dire que le spécialiste actuel ne nourrit pas une connaissance sur... Mais il précise ce rapport de couple et ce réductionnisme de part et d'autre qui se nourrit l'un l'autre. Et nous arrivons à cette situation, c'est que nous sommes dans un âge de connaissance, nous sommes dans un pays où on parle de 5 à 10% ou 8% de musulmans, entre guillemets, culturels, enfin, qui ont une tradition culturelle venant du monde musulman, et pourtant, plus que jamais, l'incompréhension, l'ignorance demeure. Pour vous donner une idée de cette notion d'agent de renseignement, et je n'ai pas envie de citer des noms, parce que c'est pas... J'ai pas envie de gagner une célébrité warholienne en écrivant, en commettant un ouvrage pamphlétaire où je vais lister les bons et les mauvais islamologues. C'est pas, je suis dans une démarche différente, peut-être j'en parlerai plus tard. Mais si vous voulez, il y a cet effacement des islamologies classiques me pose problème. Et nous avons une ignorance qui s'affirme en tant que telle. Moi, il y avait un très bon ouvrage qui était paru d'un islamologue suisse qui avait fait un très bon travail de terrain en Égypte. Et dans l'interview qu'il avait donnée au journal Le Temps en 2005 au sujet de son ouvrage, il avait dit « Je n'ai jamais lu le Coran, je n'ai pas besoin de ça pour comprendre les sociétés du monde musulman ». Donc vous voyez, là, on est dans... on parlait de la doctrine... certains ont évoqué la doctignorance, mais on est dans une forme d'ignorance qui s'affirme crânement. Voilà ce que je suis capable de faire en tant qu'algorithme. Voilà, je suis efficace, je peux produire des données sans avoir à... C'est évidemment très regrettable, parce que quand on voit le travail de Jacques Berck, moi j'ai édité le dernier texte posthume de Jacques Berck, « Quel islam ?», qui est une sorte de testament... C'est un mot intellectuel de cet auteur. Moi, j'avoue que je trouve vraiment regrettable cette personne et travailler sur différents motifs. Il faisait de la grammaire comparée, il faisait de l'anthropologie du droit, il comparait des régimes fonciers. Il avait fait un article pour définir ce que c'est que la citadinité dans une ville traditionnelle comme Fès, et il disait d'une manière très élégante, un article magnifique, qu'une famille citadine est une famille qui réunit en son sein l'artisan, le commerçant et le savant. Et il avait fait des articles sur l'art du noué de tapis maghrébin. Et j'avais eu un échange avec Gilles Kepel à ce sujet. Moi, j'avais exprimé un peu ma position à Beyrouth en 6 minutes, et il avait mis 20 minutes pour revenir sur ce motif du tapis, en disant de manière très polie, bien sûr, le tapis de M. Ben Kiran, le tapis de M. avec toutes les sous-entendus implicites derrière le tapis et les imaginaires que vous imaginez. Mais en fait, le tapis, Jocelyne Dahlia a consacré un très bel article au motif de Jacques Berck, le motif du tapis, le motif du polygone étoilé, motif du tapis qui lui a permis de voir un sociogramme à l'œuvre dans le Coran et dans votre... Et dans la formation des formations sociales du monde arabe, l'idée que chez lui l'art est quelque chose, est une poussée qui vient d'en bas. Et donc, à la figure de l'expert, du spécialiste GPS, de l'algorithme de résolution qui renforce toujours le paradigme de la violence et inhérente à l'islam ou aux musulmans. Ces motifs-là mettent en valeur l'artisan. Voilà. L'artisan, l'ouvrage de bonne facture. Et c'est vrai que entre cet expert, le technocrate et cette figure de l'artisan, je privilégie cette idée de l'artisanat, de l'ouvrage fait peut-être de manière plus rigoureuse, mais aussi avec un souci, pas simplement d'éthique, mais aussi d'esthétique. Voilà, je voulais peut-être conclure sur juste comment je commence mon livre qui résonne encore des révolutions arabes. Bon, je l'avais écrit en 2004, mais je pense qu'à travers cette première phrase de mon livre, je dois beaucoup à la rencontre avec le livre de l'orientalisme d'Edouard Saïd. Je commençais ce livre en disant « J'ai sondé, au travers d'une libre errance, les traces et repères de sociétés désormais signalées par le désordre, la jeunesse et le nombre. J'ai cherché à comprendre l'histoire de leur point de vue sur la ville et la guerre, la migration et l'exil, la voie et la loi, la science et le monde. » Et j'espère que nous pourrons revenir à des rapports de savoir plus féconds qui ne servent pas simplement des processus sécuritaires, des processus militaires, des processus policiers toujours en cours au sud de la Méditerranée. Je vous remercie pour votre attention.